Quand vous comprendrez que toutes les notions font partie de l'astral, vous comprendrez plus rien. Vous serez comme moi. À ce moment-là, vous pourrez expliquer tout. Mais tant que vous aurez des notions, vous serez prisonnier de l'astral, que ce soit le haut astral ou le bas astral, c'est l'astral. L'esprit ne sera pas libre. Pour que l'esprit soit libre, il faut qu'il sorte de l'astral, c'est-à-dire qu'il faut qu'il sorte de la prison des formes créée par l'astral, c'est-à-dire l'imposition sur son âme, sur son énergie. Et ça vous amènera à comprendre que l'âme de l'homme, ce n'est pas une réalité transcendantale, mais que l'âme de l'homme, c'est la condition vibratoire de la réunion du son et de la lumière dans l'instantanéité de la conscience atomique sur tous les plans à la fois pour permettre qu'il y ait dans la conscience humaine suffisamment de résonance pour que s'inscrive dans l'homme ce qu'on appelle la conscience. Et à ce moment-là, vous comprendrez que la conscience humaine, c'est le produit d'une résonance créée par l'âme qui est le produit de l'unité du son et de la lumière dans le cosmos. Et à ce moment-là, vous comprendrez que lorsque l'homme aura détruit la lumière, la mémoire dans l'âme, il aura récupéré le son et la lumière, il deviendra créateur, il deviendra ce qu'on appelle des anges, et l'homme fera partie de la hiérarchie. Mais à ce moment-là, vous ne pensez plus en termes d'âme. Vous ne pensez plus. Period. Alors, c'est très important pour nous autres de sortir des notions pour qu'on puisse, avec le temps, rentrer dans le secret des mystères, parce que c'est le secret des mystères que je vous explique. C'est pas un mystère, ça m'intéresse pas un mystère. Le secret des mystères, ça m'intéresse. Les mystères, ça vient d'astral. Le secret des mystères, ça vient de l'intelligence, ça vient de l'esprit. Et quand je commencerai à vous expliquer le secret des mystères, à ce moment-là, je commencerai à défaire en vous la lumière de l'astral, puis à ce moment-là, vous commencerez un petit peu à souffrir un petit peu chez vous, mais ça sera pas grave. Mais vous souffrirez parce que je vous enlèverai le support psychologique que vous avez toujours eu avant. Et automatiquement, elle se produira dans vos pensées des nouvelles formes de vision, des nouvelles formes. Et ces nouvelles formes-là seront un petit peu plus difficiles à supporter, mais ça engendrera en vous encore plus de force. De sorte que vous commencerez à voir que quand je détruis en vous des formes, je réunis aussi en vous mon esprit et votre esprit. De sorte que vous commencerez à m'entendre à distance. Mental. À ce moment-là, vous pourrez bénéficier du support de la permanence de mon esprit dans le monde de l'éther, qui convient aussi à votre esprit dans le monde de l'éther, mais auquel vous, psychologiquement, vous êtes encore allumé, éveillé, parce que vous êtes encore trouvé à la forme de l'astral. Il faut que l'homme sorte de la notion. C'est très important que l'homme sorte de la notion, parce que la notion, c'est une illusion pour son intellect, pour son ego. Il faut que l'homme sorte complètement de la notion. Puis c'est pas facile de sortir de la notion. C'est plus facile maintenant pour vous autres de sortir de la notion, ça sera plus facile demain pour vous sortir de la notion. Et quand vous serez sorti de la notion, vous n'aurez plus de personnalité humaine. La notion. La notion, c'est la mécanique, c'est le jeu dont se sont servis des mémoires dans la mort pour entretenir sur la terre une vision quelconque de ce que leur pouvoir sur l'homme pouvait faire. C'est terrible, la notion. La notion de quoi que ce soit. Et la notion la plus dangereuse pour l'homme, c'est la notion de Dieu. Parce que la notion de Dieu, c'est la notion ultime qui a été créée par des intelligences dans le monde de la mort. Sur des plans spirituels avancés, lorsqu'ils ont vu et qu'ils ont contemplé la lumière. Alors, ces intelligences, cette mémoire, ces entités, quand ils ont contemplé la lumière, ont contemplé quelque chose de tellement puissant à cause de l'auto-vibratoire qu'ils ont créé une notion. La notion a été véhiculée télépathiquement dans le cerveau de l'homme et l'homme a eu le concept de Dieu. Tout va? Hein? C'est effrayant. Autrement dit, parce que toi, t'es pas prêt, puis tu sautes, tu fais sauter tout le monde. C'est ça qui est arrivé. Fait qu'on saute depuis ce temps-là. La notion de Dieu n'a pas été créée par l'homme, aucunement. La notion de Dieu a été créée par la transmission télépathique dans son cerveau, à cause du fait que l'homme est prisonnier de l'astral. Je monte. Vivre sans notion, c'est vivre en paix. Aussitôt qu'on vit avec une notion, on est troublé dans notre esprit. Aussitôt qu'on a une notion, on est troublé dans notre esprit. Vivre sans notion, c'est être en enfer. C'est pour ça que les animaux sont bien, parce qu'ils vivent sans notion. Seulement, ils n'ont pas conscience d'eux-mêmes. Automatiquement, ils ne peuvent pas créer. Ils sont obligés de subir les lois de la création. Et l'homme, un jour, ne doit plus subir les lois de la création. Il doit les transformer, les lois de la création. C'est difficile pour nous autres de vivre sans notion parce que ça fait partie de notre intelligence, ça fait partie de notre mental. Difficile pour vivre, nous autres de vivre sans notion. On a des notions, on est bourrés. Et un jour, on doit en arriver à ne plus vivre de notions. C'est les notions qui t'ont amené à vouloir faire ce que tu voulais faire tous les fois. Ça va loin des notions. Tu perds de l'énergie. Aussitôt que tu vis, tu entretiens une notion, tu perds de l'énergie parce que tu ajustes ton émotion à la notion. Fait que si tu ajustes ton émotion à la notion, tu ajustes ton corps astral à ton corps mental. Automatiquement, tu assujettis ton esprit à ton émotivité. Tu assujettis ton esprit à ton âme. Tu assujettis ton esprit à ta mémoire, et ainsi de suite. C'est un cercle qui n'arrête pas. C'est pour ça que c'est impossible pour l'homme de sortir de la matière. C'est impossible pour l'homme de cesser de vieillir. C'est impossible pour l'homme de transmuter ses corps. Comment tu veux qu'il transmute ses corps? L'homme doit en arriver à être tellement serein dans sa personne humaine que la sérénité qu'il vit devient son espace mental. Ta sérénité devient ton espace mental. C'est là que ton esprit vit et bien. Il est bien dans la sérénité de l'homme. C'est dans sa sérénité que son esprit est bien. L'esprit de l'homme ne peut pas être bien dans une forme. Aucune. Aucune. Comment tu ramasses à toi dimanche? Tu iras confesse. Tu vas toi un peu oublier un petit péché. Moi, je sais que ma mère, quand elle va confesse, elle t'oublie d'en oublier un. Puis ça y traîne jusqu'à la semaine prochaine. Puis elle essaie de le raccrocher. Elle n'oublie un autre. L'esprit ne peut pas être serein dans une forme. Impossible. L'esprit est serein dans le vide. Parce que l'esprit, c'est le vide. C'est-à-dire, c'est ce qui est en dehors de la forme. Alors, qu'est-ce que c'est l'esprit de l'homme? C'est cette réalité qui est en dehors de la forme. Et cette réalité-là, elle est connectée. Elle est en connexion. Elle est unie avec tous les esprits de tous les hommes. C'est ça qu'on appelle l'âme universelle. Alors, il y a une différence entre l'âme universelle et l'âme humaine. Pour que l'homme ait accès à l'âme universelle, il faut qu'il ait détruit la mémoire de l'âme humaine. Là, il rentre dans l'âme universelle. Puis qu'est-ce que c'est l'âme universelle? C'est la conscience totale de tous les êtres qui sont en dehors de la forme. De sorte que qu'est-ce que c'est l'âme humaine? C'est ce que les mystiques ou les spiritualistes appellent la conscience christique. Alors, qu'est-ce que c'est la conscience christique? C'est une forme qui donne à l'homme une notion de l'âme universelle. Là, on retombe encore dans le même panneau. C'est bien. Tu sais, quand tu regardes un lac l'été, là, tu regardes un lac, il n'y a pas de vagues. Puis si tu regardes bien, comme il faut, tu vas regarder une petite. La seule place où il n'y a pas de vagues, c'est un lac, c'est dans les terres. Dans les terres, il n'y a pas de vagues, c'est un lac. Tu regardes un lac, tu regardes un océan, c'est plat, c'est infini, puis c'est plat. Il n'y a pas de mouvement dans les terres qui engendre de la pulsion entre les forces. C'est pour ça que les terres, c'est parfait. Aussitôt qu'il y a une pulsion qui engendre une relation entre les femmes, tu as un monde matériel. Tu as de l'imperfection, une certaine sorte de beauté, un certain mouvement. Mais quand tu es dans les terres, ça ne grouille pas le lac. Vous n'avez jamais vu ça, un lac qui ne grouille pas? C'est quelque chose. Même dans l'Astral, il y en a des lacs qui ne grouillent pas. Mais dans les terres, il y en a d'autres lacs qui ne grouillent pas. Puis ils grouillent encore moins. Quand tu rentres dans une nature qui ne grouille pas, tu es tranquille à maudit. Le monde, il y a des gens en Nord qui savaient des maisons à côté de la rivière. Ils disent, j'aime ça la rivière. J'aime ça une vieille. Puis tu vois, dans 10 ans, ça va te faire. T'es mieux de checker ton affaire. Puis tu bâtis ta maison à coup de la rivière. Dans 10 ans, elle va te monter des reins en rivière. C'est ça, chercher le calme, puis le calme, puis le calme, puis le calme. T'as maudit ruisseau qui te passe à côté. Brrr, dans 2, 3 heures du matin, tu vas te réveiller. Mais ça, c'est l'astral, la conscience astrale de là. Les naturistes, la rivière, les branches se frottent un petit peu. Ils aiment ça quand ça se frotte. Parce qu'ils savent pas qu'est-ce que c'est le calme. La sérénité de la nature qui n'existe pas sur le plan matériel, mais qui existe dans les terres. Quand tu vas dans les terres et tu reviens ici, il y a un maudit du bruit ici. On ne sait pas qu'est-ce que c'est aller dans des univers où il n'y a pas de bruit. Il y a toujours un petit peu de bruit ici. Même si c'est un wawaron qui gueule là-bas. Il y a tout, la campagne et tout. Fait qu'automatiquement, la corps astral vibre, puis vibre, puis vibre, puis vibre, puis vibre. Il y a tous tes sens qui fonctionnent, Ils ont fait des expériences, des scientifiques, ils ont mis des gars dans des boîtes jusqu'à pas de son, puis il n'y a pas de lumière, il n'y a rien. Le gars sort pas de son corps. D'ailleurs, c'est connu aux Indes, ils l'ont fait pendant longtemps. Tu mets un gars dans une boîte, il n'y a pas de son, il n'y a pas de lumière, tu as c'est pas l'autre qui va sortir. Qu'est-ce qui est arrivé à Adeline quand il est rentré dans son bain, au patin, mais ça sert à ça, il est fréquinette. L'affaire de la notion, c'est la même chose. La notion, une notion, c'est du bruit dans l'esprit. Si on c'est du bruit dans ton esprit, une notion. Fait que s'il y a du bruit dans ton esprit ne peut pas être calme dans son éther. C'est-à-dire que toi, tu n'as pas accès à l'éther. Est fine la ligne de démarcation entre l'astral et le terre. Ce qu'on appelle l'astral et le terre. C'est fin. Mais. Fait que c'est pour ça que c'est important pour les gens d'apprendre à ne pas se dévoiler, pour contrôler leurs notions, pour en arriver à ne plus vivre de leurs notions, pour en arriver à avoir plus de sérénité dans l'esprit, pour en arriver à vivre dans le vide de l'esprit, pour en arriver à avancer vers le terre, pour en arriver à dépasser le bruit de l'astral qui est créé par les pensées au dépens de l'esprit de l'homme, qui a besoin d'être totalement stable, neutre, vide de réflexion pour que l'homme puisse entrer dans les terres. Tu ne peux pas rentrer dans les terres tant ton esprit n'a pas cette vibration-là. C'est ça qui nous empêche de rentrer dans les terres. L'éther, la mort. L'éther. J'ai pas de mots, désolé. L'éther, c'est la vie dans la mort. Comment on a dit? L'éther, c'est la vie dans la mort. Hein? La vie dans la peine. La vie dans la... Oui, ça serait la vie dans la peine, mais ça serait considéré comme mort quand on perd au temps. Ouais. C'est mort parce que ça ne bouge pas, mais ça, c'est totalement en paix. Ouais. C'est tranquille de même. Tu comprends que nous autres, on ne peut pas aller là avant d'être préparé sans son fric net. On se pense mort. C'est la vie dans la mort. Dans la mort, tu as des illusions. Tu es entretenu d'illusions dans la mort. Tandis que dans l'éther, tu es obligé de créer. Puis si tu n'es pas capable de créer, tu ne peux pas être dedans. Tu peux pas être dans l'éther et pas créer. Fait que si t'es dans l'éther, t'es obligé de créer. Fait que automatiquement, t'es obligé d'être totalement dehors de tes notions. C'est ça qui nous bloque de rentrer dans l'éther. Bien simple de rentrer dans l'éther. Mais c'est pas simple. Hein? C'est totalement vibratoire. Dans la mort, t'as des illusions qui permettent d'être là. Mais dans l'éther, t'en as plus de notions. T'en as plus d'illusions. Alors automatiquement, là, c'est comme si tu dis à un gars, mais là, moi, ça. On va te faire passer par la porte, mais t'arrives de l'autre bord, il faut que tu fasses telle chose. Faut que tu saches quoi faire. C'est un monde neuf, là. C'est un petit peu de même, l'éther. Alors, c'est pour ça que c'est seulement l'esprit qui connaît, qui comprend les lois de l'éther. Et pour que l'esprit puisse se manifester et manifester dans l'éther, il faut qu'il ne soit pas alourdi par les chaînes de l'illusion de l'astral. Sans ça, il meurt. Il y a des gens là, qui sont sur le plan physique qui meurent, puis ils passent juste son poche de rentrer dans l'éther. C'est pas grave. Ils sont obligés de revenir à l'astral. C'est effrayant comment ce qu'il y en a. Les grands maîtres spirituels, les grands, là, les gens qui sont très évolués, là, ils passent juste proche, puis rendus là, ils sont pas capables. Il y a un champ de force là qui bloque, ils sont pas capables de voir droit. Là, ils reviennent dans l'astral. It's a delicate operation. Rentrer dans l'intérieur. C'est bien délicat, c'est bien subtil. Faut que tu sois réellement dans ton esprit. Faut que tu sois totalement dehors des notions. Faut que tu aies de la mémoire. Fait que là, là, tu sors de ton corps, tu t'en vas dedans. Sans ça, tu manques ton coup. Faut pas que tu aies peur de manquer ton coup. Là, ouais, puis toi, t'es étendu sur votre lit, là, votre corps va venir raide un petit peu, va venir fret, là. Va se demander des questions. D'un coup, je manque mon coup, je manque pas mon coup. Pas manquer ton coup. Faut pas que t'aies la notion, là. Tu sais, ça va loin, la notion. T'as peur de manquer ton coup, tu vas te manquer. Parce que ça fait partie de manquer ton coup. Là, ouais, la notion, là, de manquer. C'est ça que quand je dis moins que l'éther terrestre est inhabité, je sais ce que je veux dire. Les gens disent, ben oui, mais les maîtres apparaissent aux Indes, aux Himalayas. Il y en a bien du monde qui viennent des hauts plans astraux qui apparaissent à l'homme. Une différence entre l'éther et l'astral. Maudite différence entre l'éther et l'astral. Moi, j'en ai du monde qui viennent chez nous. Ils viennent pas de l'éther. J'étais assis à mon fauteuil, une fois, il y a un Indien qui s'était assis. Il s'est assis, mais oui. Il était si bien confortable dans mon fauteuil. Il n'y a pas de terre. Il y a l'astral. Tu visites. C'est parti. Fait que tout ce que tu penses qu'il y a de terre, t'es fini. Tu deviens Indien. C'est bien confortable, madame. Les plumes, toutes les sept, les bababop. Toute la mémoire, tu sais. Ouais. Il me regardait, là. Qu'est-ce que tu fais ici? Parti. C'est un Indien. Il faut qu'on fasse attention à nos notions. Parce que si on a des notions occultes, on a des notions astrales, finales. Tous les Indiens qui sont chez vous, là, tu peux avoir facilement un rapport télépathique, là, il t'embarque. Si t'es pas plus smart que lui, final, t'es fini. L'état intéresse est inhabité. Point final. C'est neuf. Il n'y a pas de pollution là-dedans. Regarde bien ça, c'est subtil, l'esprit. Moi, j'ai déjà dit que dans les terres, dans les laboratoires sur terre, il y a une très vaste population qui travaille. Puis là, je dis qu'il est inhabité. C'est au bout. Puis ça, c'est bien important, ce point-là. Vous allez apprendre un jour que vous allez dire quelque chose. Ça, c'est quand tu es dans ton esprit. Quand tu es dans ton esprit, tu vas dire quelque chose. Puis ensuite, plus tard, tu vas dire d'autres choses qui semblent complètement se contredire. Faut que tu saches pourquoi est-ce que tu le dis. Parce que faut que tu apprennes à comprendre ton esprit. Qu'est-ce qu'il veut dire ton esprit? Décide-toi. Y a-tu du monde qui travaillent dans les laboratoires, dans les terres. Puis s'il y en a, puis tu dis, mais la terre est inhabitée, qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a pas de contradiction, ça ne se contradit pas de l'esprit. Fait que, toi, il faut que tu saches, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'est subtil l'affaire des contradictions, la loi des contradictions. La loi des contradictions, c'est une loi astrale qui sert à empêcher l'homme d'être et d'entrer dans le secret des mystères. C'est ça la fonction de la contradiction dans le cosmos. La fonction de la contradiction dans le cosmos, c'est d'empêcher l'homme de rentrer dans le secret des mystères. Si t'es pogné par la contradiction, les gens qui voient des contradictions, là... Bon, mais ça, c'est des mécanismes astraux qui vous empêchent de pénétrer dans le secret des mystères. Ça, c'est une trappe astrale, intelligente, qui fonctionne full blast dans le monde. Il n'y a pas de contradiction dans l'esprit. Fait que si l'esprit te dit quelque chose dans un temps, puis dans un autre temps, il dit d'autres choses, il y a une synthèse. Il sait que ce qu'il dit dans ce temps-là, puis que ce qu'il dit dans ce temps-là, puis s'il développe, il va te développer. C'est à l'ego de l'absorber, lui. Puis nous autres, humains, les hommes, on doit s'habituer aux contradictions de notre esprit. Mais pour ça, il faut qu'on soit libre psychologiquement du vrai et du faux. Si t'es pas libéré psychologiquement du vrai et du faux, de la vérité et du mensonge, là, tu vas être poigné dans la contradiction. Parce que ton ego va avoir un ou l'autre. Fait, si l'éther est inhabité, puis d'un autre point, l'éther, dans l'éther, il y a un monde où du monde travaille, ça veut dire quelque chose. Un jour, on en parlera. Mais un jour, vous comprendrez qu'il n'y a pas de contradiction dans l'esprit. Puis c'est bien important pour l'homme de comprendre qu'il n'y a pas de contradiction dans l'esprit. Puis s'il envoie une contradiction, c'est à lui d'aller dans son esprit pour la résoudre, cette contradiction-là. Puis s'il la résout, il va rentrer dans le secret des mystères. Parce qu'aussitôt que tu neutralises une polarité, que tu neutralises une contradiction, tu entres dans l'intelligence de cette contradiction-là. Autrement dit, tu entres dans la raison d'être de cette contradiction-là. Autrement dit, tu rentres dans la compréhension des mécanismes pour lesquels cette contradiction-là a été créée afin de te maintenir dans une certaine sorte d'ignorance ou d'instabilité ou de certaine confusion mentale. Ça fait encore partie de l'évolution de ton esprit. Tout ce que l'esprit fait, il le fait pour une raison. C'est pour ça que j'ai déjà dit aux gens dans les séminaires, apprenez-le une fois pour toutes, à réaliser que quand vous savez quelque chose, quand vous sentez quelque chose, gardez-les ce que vous sentez. Attendez que ça se définisse, puis ça se définisse, puis ça se définisse. Interprétez pas les lois de contradiction ou les lois d'ignorance ou les lois de mensonge et de vérité pour comprendre votre contradiction. Gardez-la votre contradiction. Si vous n'êtes pas capable de garder votre contradiction, vous n'êtes pas capable de subir la tension de l'esprit sur votre mental, alors automatiquement, vous êtes incapable de briser éventuellement le lien qui existe entre l'astral et votre mental supérieur. C'est ça qui pogne tout le monde. Il y a des gens qui cherchent rien que des contradictions. Ah, il a dit ça, puis hop, il a dit ça. Puis c'est pour ça qu'on n'en arrive pas éventuellement à avoir une conscience vibratoire, on a toujours une conscience psychologique. C'est ça qui nous empêche d'être dans notre intelligence, dans l'esprit. Une chose était partie aux toilettes, là, que j'avais voulu que tu comprennes, toi, Hélène. Mais je l'ai oublié, là. Tu en parleras, toi, si tu t'en rappelles. C'est important pour elle. On peut pas se permettre, les hommes, de ne pas comprendre nos contradictions parce que c'est dans nos contradictions que sont cachées le réel de notre esprit. C'est dans les contradictions que ce qui est caché le réel de l'esprit. C'est pour ça que l'homme n'a jamais eu accès à son esprit parce que l'astral s'est toujours servi des contradictions pour bloquer son accès à l'esprit. Si l'homme avait été capable de vivre deux contradictions, il aurait fait une synthèse son esprit aurait lié les deux. Mais non, il n'était pas capable, il était pogné avec la contradiction, il prenait le meilleur côté. Les forces de l'astral, la construction de l'astral, puis le pouvoir de l'astral sur l'humanité, il est quasiment absolu. Quasiment absolu. C'est quand on avait parlé du submarine. Puis on avait établi que le submarine, c'est une forme. C'est quand tu détruis une forme qui est absolument harmonisée au pouvoir de l'enseignement astral sur la Terre, automatiquement, tu es obligé de neutraliser la contradiction du réel contre l'irréel ou de la vérité contre l'absolu de l'esprit. C'est une contradiction que tu neutralises. Parce que la contradiction, éventuellement, la contradiction, plus tu vas dans le cosmique, plus tu vas dans l'infinité, plus elle devient un point. Le point, c'est Dieu, le Sugmad. Le Sugmad, le concept de Dieu, c'est l'aboutissement de ce qui est contradictoire dans le cosmos. C'est pour ça que l'homme est bien avec le concept de Dieu. Parce qu'il n'y a pas de contradiction dans Dieu. Tu dis à un arabe, Dieu, Allah, il ne l'a pas. À un bouddhiste, à un catholique. Du moment que ça s'appelle Dieu, tout le monde est content. L'arabe, il a son Allah, elle l'a pas. Le chrétien, il a son Dieu. L'autre a son Dieu. L'autre a son Jéhovah. Tout le monde a sa patente en haut, là. Tout le monde a cette finalité qui est le rapport éventuel de tout ce qui est contradictoire. Autrement dit, ce qu'on appelle, nous autres, l'unité. L'homme qui rentre dans la conscience cosmique est obligé de détruire l'unité pour comprendre les lois de l'unité. Et quand tu comprends les lois de l'unité, il s'aperçoit qu'il y a une diversité extraordinaire dans le cosmos. Que l'unité n'est simplement que l'aspect psychologique que l'homme veut sur le plan émotionnel attribuer à la réalité cosmique pour avoir la sécurité dans son mental de ce qu'on appelle l'harmonie, le un, le grand tout. C'est encore une notion, le grand tout. La preuve que le grand tout, c'est une notion, c'est qu'il existe dans le cosmos 7 milliards de plans. 7 milliards de plans dans le cosmos. Fait que le grand tout, avec nos petits 7 plans, c'est un vrai toutou. Il y a 7 milliards de plans dans le cosmos. Puis 7 milliards de plans, ça veut dire les plans qui ont été investigués par les hauts esprits en évolution. Ça veut dire que probablement, il y en a d'autres. Puis quand l'esprit est obligé de dire probablement, ça veut dire que l'esprit est obligé de dire probablement. Puis si l'esprit est obligé de dire probablement, ça veut dire que probablement il existe d'autres plans. Ça veut dire que l'esprit ne le sait pas. Puis ça veut dire que si l'esprit ne le sait pas, ça veut dire que le reste n'est pas connu, n'est pas vécu, n'est pas expérimenté. Ça veut dire que ce qu'on appelle nous autres Dieu, c'est loin d'être ce qu'on pense. C'est pour ça que dans notre siècle qui vient, le 21e siècle, là, ce qui va être le plus important à l'homme, d'ailleurs, ça va être la fondation de la nouvelle science. La science nouvelle, elle va être grande. Pourquoi? Parce que les notions de l'ancienne science vont être apparues. Ça, c'est au niveau de la science. Au niveau philosophique, c'est la même chose. Au niveau psychologique, c'est la même chose. L'homme doit perdre complètement toute notion. Ça veut dire que l'homme doit être totalement imprégné de son esprit. Tant que l'homme ne sera pas imprégné totalement de son esprit, il sera incapable de percer l'astral. S'il n'est pas capable de percer l'astral, il ne peut pas rentrer dans les terres. Alors, ça veut dire qu'un homme ne peut pas se permettre dans le temps, dans les années, dans les générations qui viennent, de questionner ce qu'il sait, ce qu'il sent. Il ne peut pas se permettre de le questionner. Parce que ce qu'il sait et ce qu'il sent, ça vient de son esprit, ça ne vient pas de son ego. Alors, si son ego questionne ce qu'il sait et ce qu'il sent, ça veut dire que son ego sera vraiment capable de se libérer de l'astral. Ça veut dire que l'homme ne pourra pas rentrer dans les terres. Alors, même s'il est bien évolué, puis il est bien fin, puis tout ça, il va trouver de mourir pareil. C'est pour ça qu'il y en a très peu qu'on va se voir. Alors, ça crée quoi? Ça crée dans certaines personnes qui sont suffisamment près de leur esprit, l'impression de savoir. C'est ça que je veux que vous fassiez attention. Ceux qui sont près de leur esprit, ils ont l'impression de savoir, parce qu'ils savent un aspect de quelque chose qu'ils vont comprendre plus parfaitement avec le temps. Il faut que ces gens-là réalisent que dans l'esprit, il n'y a pas d'impression d'intelligence. Il n'y a aucune impression d'intelligence. Donc à ce moment-là, quand vous serez bien conscient de ça, puis quand vous serez ajusté à ça, puis quand vous serez plus réellement lié à votre esprit, vous pourrez faire un travail sur la Terre dans quelque domaine que ce soit qui conviendra à l'évolution et qui sera parfaitement réalisé chez les hommes, qui créera une résonance parfaite dans les esprits des hommes, et vous serez admiré des hommes. Quand je dis admirer des hommes, je veux dire admirer des hommes. Pas dans le sens que vous aurez besoin d'admiration, mais les hommes regarderont vers vous pour avoir plus de clarté pour comprendre leur phénomène humain. Dans ce sens-là. Ça marche-tu le lunch? Un échappatoire psychologique. Un échappatoire psychologique, c'est une condition de notre façon de penser qui provient du fait qu'on a l'impression, quand on est homme, avant de devenir humain, qu'on a l'impression d'être sur la bonne traque. Et être sur la bonne traque ou avoir la notion d'être sur la bonne traque, c'est un échappatoire psychologique parce que c'est une condition psychologique qui nous permet d'être à l'aise avec nous-mêmes. Et pendant qu'on vit ça, on entretient en soi des mécanismes qui font en sorte qu'on continue à se terrer dans notre astral sans nous en apercevoir. C'est comme si on se dort la pilule à gros grains. Et cet échappatoire psychologique-là, qui nous permet, qui nous donne l'impression d'être sur la bonne voie ou d'être dans la bonne direction, c'est très dangereux parce que c'est une condition psychologique qui convient à notre mémoire. Qui convient à notre mémoire émotionnelle, à notre mémoire mentale, et qui n'a jamais été testé dans l'expérience profonde du contact entre l'esprit et l'homme. Tous les hommes devront éventuellement sortir de cet échappatoire psychologique-là, de sortir de cette notion qu'ils ont ou qu'ils veulent avoir ou qu'ils voudraient avoir d'être sur la bonne voie. Et tant que les hommes seront prisonniers de cet échappatoire-là, ils ne seront pas capables de souffrir de ce que j'appelle la solitude du savoir. Avoir l'impression d'être sur la bonne voie, c'est une impression qui convient à ce qu'on peut appeler le sens de la vérité. La vérité, ça a un sens. Mais le réel, ça n'a pas de sens. La vérité, ça a un sens parce que la vérité s'est fondée sur une notion quelconque. Tandis que le réel, ça n'a pas de sens parce que le réel, c'est une condition de l'esprit qui superimpose toute activité mentale, émotionnelle, vitale et physique chez l'homme. Et beaucoup de gens, surtout les gens spirituels, ont tendance à vivre de cet échappatoire spirituel-là pour se sécuriser psychologiquement. Et l'homme ne doit pas chercher de sécurité psychologique. L'homme doit détruire sa psychologie. Un homme qui recherche une sécurité psychologique va s'entretenir de cet échappatoire-là, mais ne pourra jamais rentrer dans son esprit, dans son intelligence. Il ne pourra jamais savoir qu'il est parfaitement équilibré dans sa vie mentale, et sa vie physique, et sa vie émotionnelle, et sa vie vitale. Les gens qui recherchent cet échappatoire psychologique-là qui s'assurent ou qui prennent des moyens quelconques pour s'assurer qu'ils sont sur la bonne voie sont des gens qui ont peur d'affronter le vide très grand de leur esprit. Ce sont des gens qui ont peur d'eux-mêmes, ce sont des gens qui ont peur du réel et qui conviennent beaucoup plus avec la vérité qu'avec le réel. Et la vérité, c'est une condition psychologique du réel imposée à l'esprit de l'homme pour que se développe son mental et non pour que se développe son cerveau éthérique. Et ce que l'homme a besoin dans la vie future, c'est le développement de son cerveau éthérique, ce n'est pas le développement d'une faculté mentale quelconque. Et l'homme ne peut pas développer le cerveau éthérique s'il est attaché à une notion du vrai ou du véritable qui est le produit d'une attitude psychologique créant en lui le besoin de cet échappatoire d'être sur la bonne voie. L'homme, tant que l'homme n'est pas centré dans son intelligence, tant que l'homme n'a pas perfectionné son mental éthérique, son cerveau éthérique, il n'est pas capable d'être assuré parfaitement de la survie après la mort. Et c'est très important que l'homme soit assuré parfaitement de la survie après la mort parce que c'est la seule condition de son intelligence qui permet à l'homme de bénéficier du pouvoir de son esprit sur la matière après la mort. Et un homme qui s'occupe trop d'être sur la bonne voie va engendrer en lui des notions du vrai et du faux, va engendrer en lui un sentiment spirituel qu'il va entretenir de plus en plus jusqu'au jour où il sera obligé soit de sortir de cette voie qu'il a considérée pendant longtemps comme étant une voie véritable, pour rentrer dans une condition de détérioration très rapide de sa psychologie personnelle, pour entrer en contact de plus en plus perfectionné avec son esprit. Puis à ce moment-là, l'homme peut souffrir énormément. J'essaie d'instruire suffisamment les gens dans tous les aspects des mécanismes de l'esprit pour que les gens souffrent le moins possible du passage de leur intellect à leur intelligence pure ou du passage de l'utilisation de leur cerveau matériel à l'utilisation de leur cerveau éthérique. Mais il y a des gens qui s'obstinent à vouloir être dans la bonne voie parce qu'ils ont peur de manquer leur coup. Et il y a une subtile confrontation à ce moment-là entre leur esprit et mon esprit. Et aussitôt qu'il y a une confrontation entre l'esprit d'un homme puis mon esprit, il y a un retour à sa mémoire. Et lorsque l'homme retourne à sa mémoire, à ce moment-là, il se complète dans des notions de vérité ou de mensonge qui sont issues du monde astral. Et automatiquement, il se coupe de son esprit et éventuellement a de plus en plus de difficultés à comprendre le mien. L'homme, c'est un être mystérieux. L'homme, c'est un être qui contient un mystère très grand. C'est un être qui est en soi, l'explosion sur le plan matériel de ce que j'appelle une conscience majeure dans l'évolution. Conscience majeure dans ce sens que l'homme est un être attitré au droit de l'intelligence productive. Et l'intelligence productive, c'est le pouvoir de l'esprit sur un plan quelconque. Et ce droit convient à l'homme et fait partie de l'homme, mais pour que l'homme ait accès à ce droit, il est obligé de se séparer de ce qui lui a été donné dans le passé de par le biais des enseignements universels donnés à l'homme. Le surhomme ou l'homme cosmique ou l'homme qui n'est plus influencé par l'astral n'est pas un être qui peut vivre à la fois des enseignements de l'humanité et à la fois de l'instruction donnée à l'humanité. L'homme doit faire un choix, éventuellement, soit de vivre de l'instruction ou vivre de l'enseignement. S'il vit de l'enseignement, il va spiritualiser la forme et il va se voir en bonne voie d'évolution spirituelle. S'il vit de l'instruction à ce moment-là, il sera obligé éventuellement de comprendre la forme, éventuellement de la détruire, la forme, pour pouvoir non pas vivre de l'instruction indéfiniment, mais se servir simplement de l'instruction pendant une certaine période, jusqu'au moment où son esprit sera suffisamment qualifié pour répondre lui-même à ses propres questions et aussi expliquer à l'homme les conditions de l'évolution de l'homme. Alors, pour ceci, il faut que l'homme sorte et ne soit plus prisonnier de cet échappatoire psychologique qui relève du fait que l'astral, sa mémoire, a encore sur lui une certaine emprise en créant en lui la crainte de ne pas être sur la bonne voie, c'est-à-dire la crainte d'être dans le doute, c'est-à-dire la crainte d'être dans l'erreur, c'est-à-dire la crainte de ne pas avoir accès à la vérité, c'est-à-dire l'inquiétude de ne pas être suffisamment dans la vérité pour pouvoir atteindre éventuellement le réel. Il y a une ligne de démarcation inimaginable entre la vérité et le réel, et la ligne de démarcation entre la vérité et le réel est aussi grande que la ligne de démarcation entre le mensonge et le réel. Le réel est aussi éloigné de la vérité que le mensonge. Le vrai et le faux sont des polarités qui sont créées par l'astral pour troubler, pour confusionner l'esprit. Dans le cosmos, la vérité et le mensonge sont des illusions. Alors, un homme qui s'attelle trop à la tâche de l'échappatoire, visant à le sécuriser psychologiquement dans le développement d'une voie ou dans l'empreinte d'une voie qu'il considère plus véritable que fausse, automatiquement s'empêche de rentrer éventuellement dans sa conscience pure, c'est-à-dire de vivre éventuellement dans son esprit, c'est-à-dire de vivre dans cet espace physique, invisible, limité, qu'on appelle le cerveau éthérique. Le cerveau éthérique, c'est une condition vibratoire, magnétique, physique, lumineuse de l'esprit. Autrement dit, qu'est-ce que c'est de l'esprit? De l'esprit, c'est de l'activité éthérique. De l'esprit, ce n'est pas de l'âme. De l'esprit, c'est de l'activité éthérique. Et pour que l'esprit soit actif, il faut que le cerveau éthérique soit développé. Pour que le surhomme naisse sur la terre, il faut que le cerveau éthérique soit développé. De sorte qu'il faut que l'esprit soit manifesté sur le plan matériel, non en fonction des notions de l'homme, mais en fonction de l'organisation atomique de cette partie de l'homme qui est centrée autour de la tête. Alors, la partie de l'homme qui est centrée autour de la tête est ce qu'on appelle l'esprit de l'homme. La partie de l'homme qui est centrée autour du nombril est une autre partie de l'homme, qui fait partie de l'esprit de l'homme, mais qui n'a pas la même fonction. Autrement dit, ce qu'on appelle l'esprit de l'homme, quand on parle, nous autres, aujourd'hui, sur la Terre, de l'esprit de l'homme, on parle simplement de cette partie du cerveau éthérique qui est ici. Sur d'autres planètes, il y a d'autres parties éthériques qui sont développées. Et ces autres parties ont des fonctions. Qui sont créatives.